À mes yeux, la philosophie, c'est tout le temps évolutif, c'est sûr. Parce que ça donne quoi de... Si on débat, on va juste changer des mots pour d'autres. Ça détruit pas la forme. Ça fait pas éclater la forme. On joue avec les formes, on bricole les formes, on applique une permutation des formes au niveau de la mécanique. C'est pas ça, éclater la forme, puis se réapproprier l'énergie qu'il y avait dedans pour créer un surmental, un espace au-delà de l'intellect pour observer d'une façon passive, sans réflexion, dans une pratique, sans théorique, ce qui est le processus intellectuel. Le réel est informe. L'information vient de la forme. La formation. On se forme, on se déforme.